بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. Certaines personnes, ils ignorent les bienfaits du siyam, ils ignorent les vertus du siyam, ils ignorent la faveur qu'il y a dans le siyam, ils ignorent même peut-être pourquoi ils font le siyam. Le siyam pour ces personnes-là, tu les vois, c'est comme si jamais c'était une charge, comme si jamais c'était un poids, comme si c'était, ma'ad Allah, une contrainte, na'am, une chose qui est lourde pour lui, car il ignore les bienfaits qu'il y a dans le siyam, il ignore les sagesses qu'il y a dans le siyam, il ignore la faveur qu'il y a dans le fait de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour certains, le siyam, huwa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-jur. Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala ta'atik. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أبدا ودائما على ما أنعم علينا من النعم الكثيرة المتكثرة. ومرسي الله سبحانه وتعالى et on cessera jamais de le remercier et de le louer des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne jour et nuit. وَإِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَيُّهَا السَّامِعُونَ عَلَيْنَا أَنْ نَشْكُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْهَا وَأَنْ نَحْمَدَهُ عَلَيْهَا تَعَالَى. لَهُوَ مَا مَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيْنَا بِالْحُضُورِ وَالْحَيَاءِ لِصِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ. Et fait partie, ayyuha al-ikhwatu al-karam wa sami'un, des bienfaits dont il nous incombe de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et de le louer énormément, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait cette énorme faveur, cette grande grâce et ce grand mérite de pouvoir assister à ce grand événement qui est le siyam du mois de Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, c'est un grand mérite que de pouvoir assister au mois de Ramadan dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre la meilleure des révélations qui est Kitab Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an sur le meilleur des messagers Al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam en tant que guidé et discernement Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan pour la meilleure des ummah Ummatul Islam Ummatul Muhammadin sallallahu alayhi wa alayhi wa sahbihi wa sallam. Donc il en va de soi que l'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir assister à ce mois dans lequel il y figure une nuit qui est meilleure que mille nuits. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, fi laylatin qadr, laylatul qadr khayrun min alf shahr. Na'am, la meilleure des nuits dans le meilleur des mois. Na'am, la meilleure des nuits dans le meilleur des mois une nuit de paix, comme قال سبحانه وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. La paix l'accompagne jusqu'au lever de l'aube, dans le meilleur des mois et dans un mois qui est paisible. Comme قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصدفت الشياطين. Lorsque vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent et les portes de l'enfer se ferment, et les shayatins, yani les rebelles parmi les shayatins, ils sont menottés. Yani c'est un mois qui est assujetti pour faire le bien et pour s'adonner à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan, ayyuha as-sami'un al-karam, hafizakum Allah, c'est bien plus qu'une ni'ma. C'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Ruknun min arkan al-islam. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-hadith al-mashhur, bunya al-islam ala khams, wa qala minhu نعم صيام رمضان الحديث مشهور الصيام c'est un pilier parmi les piliers sur lequel المسلم bâtit son entrée au paradis. الصيام c'est un pilier sur lequel المسلم نعم il édifie le fait de pouvoir rencontrer Allah سبحانه وتعالى بقلب سليم وبرب راضي عنه. الصيام صيام رمضان c'est un pilier parmi lesquels Al-Muslim sera heureux de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala tout en s'étant acquitté de cette obligation qui est Siyam Shahr Ramadan. Wa lidhalika qala an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lisa'im farhatan farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbihi. Le jeûneur, il aura deux joies, l'une lors de la rupture de son jeûne et l'autre qui est beaucoup plus grande et qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une énorme récompense et une grande surprise qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décrit. وَذَلِكَ تَشَوُّقًا إِلَىٰ الْعَمَلْ بِالصِّيَامِ. Cela afin que الصائمون يزَوْرَ, en conséquence, afin de pouvoir profiter de cette farha qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservée. يَوْمَ الْقِيَامَ لِصَائِمِ فَرْحَةً فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. الصيام أيها السامعون, c'est une grande ibadah. حتى قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله هي أعظم العبادة على الإطلاق. قال الصيام هي أعظم العبادة على الإطلاق. Il a jugé الشيخ العثيمين, comme on peut le retrouver dans le sharh de Riyad al-Salihin dans le bab de الصيام وفضله, il a dit الصيام c'est la meilleure des عبادات, la meilleure des adorations, et ça de manière absolue. وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة عليك بالصيام فإنه لا مثل له فإنه لا مثل له. والحديث اللي نعم rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par Cheikh Mokbel عليه رحمة الله. Dans ce hadith là, النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à أبو أمامة, je t'enjoins le siyam car il n'a pas d'équivalent, car c'est la meilleure des ibadah. Il n'a pas d'équivalent. S'il n'a pas d'équivalent, c'est que c'est la meilleure des ibadah. Voilà, voici pourquoi Al-Sheikh Al-Uthaymin l'a jugé que Al-Siyam, et il n'a pas eu tort, c'est la meilleure des ibadah. Et il faut savoir que ce hadith qui a été évoqué, hadith Abu Umama, et il nous montre qu'il y a l'ampleur et la grandeur du siyam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne fait qu'appuyer la parole de Al-Sheikh Al-Uthaymin que c'est la plus grande des ibadah. Cela car Abu Umama, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani fi al-jihad, pendant l'une des conquêtes. Et il a demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam an yad'u lahu bi al-shahada, qu'à Nabi sallallahu alayhi wa sallam il fasse dua pour lui, afin qu'il fasse partie du nombre des martyrs. Fa'aba Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala Allahumma sallimhu wa ghannimhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait cette dua pour lui, mais il a fait une autre dua pour lui. Il a dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'épargne et qu'il te fasse profiter du butin. Ensuite, il est revenu à la dans une deuxième expédition, dans un deuxième djihad, et il a demandé la même chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il meurt martyr. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répété la même chose que dans la première conquête. Allahumma sallimhu wa ghannimhu. Wa kadhalika, il est venu une troisième fois, Naham, lui demander la même chose dans une troisième conquête, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas rajouté que le fait de lui répéter ce qu'il lui a répété dans les deux conquêtes précédentes, Allahumma sallimhu wa ghannimhu. Et ensuite, à la fin, il lui a enjoint à Abi Umama de faire le siyam car il n'a pas de semblable. Faqala alayka bis siyam fa innahu la mithlah fa innahu la mithla lahu. Fa ba'da an aba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yad'u lahu bis shahada. Et on sait le mérite de shahada et nous rendons de shahada fi sabilillah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'Allah t'épargne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse profiter du butin. Et ensuite il lui a dit: je t'enjoins, Abu Umama, de faire de siyam, car siyam il n'a pas de semblable. Naam, c'est ma'ruf que maqala al-ulama, lorsqu'une personne elle enjoint une autre, elle enjoint que des choses qui sont naam les plus grandes auprès de lui. Une personne n'enjoint pas une autre dans les choses qui sont d'ani'ah, dans les choses qui n'ont pas d'importance. Et ça, ça fait qu'appuyer la chose, plutôt la parole de l'imam Naam al-Usaymin alayhi rahmatullah, lorsqu'il a dit As-siyam c'est min a'zam, ou plutôt il a dit c'est a'zam al-ibadat ala al-itlaq, c'est la meilleure des ibadah, Naam, de manière absolue. Wa kayfa la Naam was-sa'im Naam yatasawwar lahu kama qala al-imam Ibn Qayyim alayhi rahmatullah. قال الصائم يتصور له بصورة من لا حاجة له في الدنيا. Il a dit الصائم, il est tel à une personne qui n'a pas de besoin, qui n'a pas de nécessité dans la vie d'ici-bas. Il n'a aucun penchant des désirs de la vie d'ici-bas. Il a fait tahsin rida Allah subhanahu wa ta'ala, excepté que n'aham d'acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci nous prouve n'aham le mérite et le statut et le n'aham le rang du siyam auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car as-sa'im, il délaisse les choses qui sont les plus aimées auprès des gens. Al-nas yataqataluna ala dunya, yataqataluna ala man sayakul afhar al-ta'am, ala man sayashrab yani aghla al-sharab, wa ala man يعني سيكون معها أجمل النساء. الناس dans notre époque ils se font la guerre pour avoir la meilleure des nourritures, pour avoir la boisson la plus chère, pour frimer, pour avoir les femmes les plus belles. والصائم نعم, il met tout cela à côté et il délaisse toutes ces choses là dans lesquelles الناس يتقاتلون فيها ويعبد الله سبحانه وتعالى ويسعى في تحصيل عبادة الله سبحانه وتعالى ورضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني كما قال إني الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به. الله سبحانه وتعالى إلى أنك سل الصيام جربي car الصائم يعني في une grande chose lorsqu'il fait le jeûne, il délaisse les choses qui sont les plus aimées auprès des gens, les choses qui sont les plus nécessitaires envers يعني إليه, car celui qui ne mange pas, celui qui ne boit pas, نعم, il peut mourir. فإذا délaisse les choses dont les gens ils ont le plus besoin. Tout cela pourquoi? Pour l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a prononcé sur le siyam des propos qu'il n'a pas prononcé sur les autres. Ibadat faqala as-siyam li, le siyam m'appartient. Yani je suis le gardien, le protecteur de siyam, wa ana ajzibi, et c'est moi qui le rétribue d'une rétribution qui n'a pas de semblable et qui n'a pas de limite. Dhalika li anna as-siyam yatawaffar fihi kama qala al-imam al-sheikh al-Uthaymin alayhi rahmatullah anwa' as-sabr thalatha, car on retrouve dans le siyam les trois catégorie de sabr. Car as-sabr yanqasimu ila thalatha: sabrun ala an'am, sabrun ala ta'atillah, wa sabrun an ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala, wa sabrun ala aqdarillah subhanahu wa ta'ala. Et tu retrouves ces trois choses là dans le siyam. As-sa'im lorsqu'il jeûne, il jeûne et il patiente sur ta'atillah subhanahu wa ta'ala, et kadhalika il patiente à ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et kadhalika n'am yasbir ala aqdarillah subhanahu wa ta'ala mu'limah, car il a faim, il a soif, n'am, il ressent les besoins que ressentent yani les nécessiteux. Fa yatawaffar fihi annam as-sabr, n'am, kull as-sabr. ولذلك الله سبحانه وتعالى يدي وأنا أجزي به. Et c'est moi qui les rétribue. Car c'est ma'ruf, lorsque tu fais une hasana, Allah subhanahu wa ta'ala te rétribue. T'as par une rétribution qui est d'une, qui est un degré d'une hasana jusqu'à 10, comme Allah subhanahu wa ta'ala man jabil hasanati falahu 'ashru amsalha. Celui qui vient avec une hasana, on va lui donner 10. Celui qui vient avec une bonne action, avec une ibada, Allah azza wa jalla il va les récompenser par 10 hasana. Tamam. Amma siyam, c'est une chose qui est quoi? Qui est différente. Allah subhanahu wa ta'ala qala wa siyamu li wa ana ajzi bi. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est moi qui le récompense. Il n'a pas évoqué na'am le degré de la récompense, car le degré de la récompense de sa'im à l'époque sans limite. Pourquoi? Parce que comme a dit le cheikh al-Uthaymin, yatawaffar fihi na'am as-sabr al-thalatha, les trois sortes de sabr, de patience, ils sont présents dans siyam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit na'am les personnes qui sont patientes, on va leur récompenser d'une récompense qui est illimitée. وَذَلِكَ فَلِذَلِكَ نَعَمْ أَصَّائِمْ كَذَلِكَ il est récompensé d'une récompense qui est illimitée, parce qu'il y a dans Siyam les trois sortes de sabr. Où Allah subhanahu wa ta'ala يقول إِنَّمَا يُوَفَى الصَّابِرُونَ أَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. فَلِذَلِكَ كَانَ صِيَامٌ مِنْ أَفْضَلُ كَمَا قَالَ الشَّيْخَ الْعَثَامِينَ نَعَمْ يعني أفضل العبادات نعم لأنه يدع شهوته وطعامه وشرابه لله سبحانه وتعالى et délaisse les choses qui sont les plus aimées auprès des gens et dont les gens ils en ont plus besoin et délaisse tout cela pour l'agrément d'Allah سبحانه وتعالى. لكن pour certains الصيام c'est pas le cas. لا يتمتع في الصيام كما يتمتع الذي يصوم ويعلم نعم الحكم ويعلم الفضل ويعلم الأجر ويعلم غير ذلك مما يجعله يصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى في الصيام. Certaines personnes ils ignorent les bienfaits du siyam, ils ignorent les vertus du siyam, ils ignorent la faveur qu'il y a dans le siyam, ils ignorent même peut-être pourquoi ils font le siyam. Le siyam pour ces personnes-là, tu les vois, c'est comme si jamais c'était une charge, comme si jamais c'était un poids, comme si c'était, ma'ad Allah, une contrainte, na'am, une chose qui est lourde pour lui, car il ignore les bienfaits qu'il y a dans Siyam, il ignore les sagesses qu'il y a dans Siyam, il ignore la faveur qu'il y a dans le fait de jeûner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour certains, Siyam, ou comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, « Rubba sa'imin, laysa lahum min siyamihi illa al-jur » ou al-hadith rawahu al-imam ibn Majah, من حديث أبي هريرة وصححه الإمام المحدث الشيخ الشيخ الألباني عليه رحمة الله. Donc ce hadith authentique, authentifié par l'imam al-Albani, qui est rapporté par Ibn Majah selon Abu Hurayra, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne fait part que certains des gens qui font siyam, ils ne ressentent qu'à travers le siyam la faim. Ils ne ressentent qu'à travers le siyam la soif. Le siyam pour eux c'est comme ils passent à côté des grandes vertus, des grandes sagesses qu'il y a dans le siyam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous fait part dans ce hadith que jeûner c'est pas le simple fait d'avoir faim, le simple fait d'avoir soif. Jeûner c'est pas un challenge à qui va tenir le plus, celui qui va faire preuve de plus de patience jusqu'à ce que vient Ghurub al-Shams. C'est pas un challenge, c'est pas un bras de fer, c'est pas naham, il y en a un concours. Un siyam, il a des vertus, il a naham. On retrouve à travers des siyams des choses qui sont grandioses, des choses qui dépassent yani, la pensée de certaines personnes. Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré siyam pour des hikam, pour des fada'il, pour des ashiyas qui sont azim, qui sont en plus il n'y a ni que le fait d'avoir faim et que le fait d'avoir soif. Lakin certaines des personnes ne ressentent que ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils passent à travers naham, les hikam et les bienfaits qu'il y a dans le siyam. Ils ignorent tam complètement et ils passent à côté et en est totalement des bienfaits qu'il y a dans le siyam parce qu'ils ne cernent pas naham, les vertus et les bienfaits qu'il y a dans le siyam. Et celui qui ignore une chose tamam wa kama qila man jahila shay'an 'ada. Celui qui ignore une chose, il va lui faire part d'hostilité. Il ne va pas être patient face à cette chose-là. وَكَذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَصُمُونَ شَهْرَ الرَّمَضَانِ ou bien celui qui a du naqs, il a de la négligence dans siyam ramadan, il jeûne parce qu'il ignore. Il jeûne peut-être parce qu'il a vu ses parents jeûner. Lakin ne jeûne pas d'un jeûne dans lequel il retrouve les vertus et naham les bienfaits et كذلك الفضائل tamam les faveurs qu'il y a dans le siyam et les mérites qu'il y a dans le siyam qui fait que tu le vois il jeûne et il s'épanouit de jeûner hatta yani tara ba'd as-sahaba il faisait al-wisal pour te montrer que c'est pas juste la faim, c'est pas juste la soif ayo al-akh al-karim ou al-ukht al-karim, c'est pas simplement la faim et c'est pas simplement la soif car certains sahaba il faisait al-wisal, c'est-à-dire que il prolongeait le siyam jusqu'à le lever du fajr, c'est-à-dire qu'il faisait deux jours consécutifs sans manger. C'est parce qu'il ne ressentait pas simplement la soif et ni la faim, lakin d'autres choses yani, qui sont assir le secret qu'il y a dans le siyam. Lakin celui qui ignore ces choses-là, qui est marqué là, aada. Et c'est pour cela que tu vois certains des musulmans, wa ghafara Allahu lahum la lam wa lahum, que tu ne les vois pas accomplir cette obligation, ce pilier parmi les piliers de l'islam, car ils ignorent et ils passent à travers le grand bienfait qu'il y a dans le fait de jeûner, même pire, ils ne jeûnent pas peut-être. Par lassitude, naam, parce qu'ils passent à côté, ils se disent pourquoi jeûner, pourquoi m'assoiffer, pourquoi me tordre le ventre par la faim, ils ne savent même plus pourquoi ils jeûnent et ils perdent patience, car ils ne savent même plus pourquoi ils jeûnent. Wa al-iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. وهذا on retrouve dans le kitab Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui ignore une chose tam il fait pas preuve de patience, il peut manquer de patience face à ces choses là comme fi qissati al-Khidr ma'a Musa alayhi as-salam lamma qala Allah subhanahu wa ta'ala hikayatan 'an al-Khidr wa kayfa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Et comment peux-tu faire preuve de patience face aux choses dont tu n'as pas cerné Hatam, ma'rouf, yani qissa Moussa ma'a al-Khadir, lorsqu'il n'a pas fait preuve de patience, il a fait un manque de patience face à des choses que n'importe qui d'entre nous, il aurait fait la même chose que Moussa, même pire. Tam, lorsque ma'rouf al-qissa, tam, fi surat al-Kahf, tam, lakin, pourquoi il n'a pas fait preuve de patience? Parce qu'il ne connaissait pas le secret qui se cachait derrière les actes qu'a fait Al-Khadir. Si jamais il avait la science qu'avait Al-Khadir lorsqu'il a fait ces choses-là, Naram Moussa l'aurait patienté. Lakin, il n'a pas cerné le degré de ces choses-là, c'est pour ça qu'il a fait, il a eu un manque de patience. Donc ça, c'est un dalil qui nous montre que lorsqu'on ne cerne pas certaines choses, on va faire preuve, yani, peut-être yani, de manque de patience, comme c'est le cas de certains musulmans, yani, lorsque tu les vois face au siyam de mois de Ramadan, faire preuve de peu de patience et même peut-être à délaisser siyam en Ramadan parce qu'ils ne cernent pas les vertus et les bienfaits qu'il y a dans le siyam. Ils pensent que siyam, c'est juste le fait, c'est un challenge, le fait de celui qui va patienter jusqu'à l'aube et celui qui va résister à ne pas avoir faim et ne pas avoir saf. Rubba sa'im laysa lahu min siyamihi ila al-jou'. Le Nabi sallam nous fait bien part dans ce siyam, dans ce hadith, que siyam, c'est pas le simple fait d'avoir faim, lakin siyam c'est des fadail ou c'est des manaqib que inshallah on va évoquer et une certaine d'entre elles afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse partie des nombres des patients et kazalika parmi le nombre des reconnaissants et qu'on jeûne de la meilleure des manières, c'est-à-dire bil ihsan, tant qu'on jeûne comme si jamais on voyait Allah subhanahu wa ta'ala devant nous, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم al ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Naam, le fait d'atteindre darajat al ihsan, c'est le fait d'avoir une connaissance pleine des choses que tu fais. Tu les fais comme si jamais Allah subhanahu wa ta'ala il était devant toi, car tu sais yani, pleinement pourquoi tu fais ces choses-là. Donc c'est pour ça qu'on s'enjoint les uns les autres. Naam bi al-sama' tamam li fada'il al-siyam wa li manaqib al-siyam wa li hikam al-siyam, afin qu'on fasse partie des muhsinin, de ceux qui jeûnent. Naam, comme si jamais Allah subhanahu wa ta'ala il était devant eux. Donc parmi les bienfaits de siyam, ayol l'ikhwatun kiram wa sami'un, et l'une des plus grandes hikmah parmi lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré siyam, c'est afin d'atteindre le stade de la taqwa. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part dans cette ayah la hikmah pour laquelle il a légiféré siyam, afin qu'on atteigne le degré de la piété. La'allakum tattaqun. Et il faut savoir que la'alla, yani ma'rouf, yani fi al-lugha, ma'naha atarajji, c'est le fait d'avoir l'espérance. Lakin la'alla, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui l'évoque, et plutôt c'est lui qui l'utilise, et kadhalika, lorsque tu le retrouves, tam dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est lui qui l'utilise la'alla, c'est bima'na at-tahqiq, c'est pas bima'na at-tarajji, c'est pas bima'na l'espérance. Et comme on peut voir dans certaines traductions, tam ils disent la'allakum tattaqun, ay en espérant que vous atteigniez la piété. Là, c'est afin que vous atteigniez la piété. Ani, que le siyam, c'est un sabab, parmi les asbab, une cause parmi les causes qui te permettent d'atteindre de la piété. Tam. Donc ça, c'est un dalil qui nous prouve que le siyam, c'est un bienfait. Wa kafa bidhalika fadlan, que il aboutit à ce que tu sois parmi al-muttaqin. Tam. C'est un sabab min a'zam al-asbab, comme on dit l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il a dit al-siyam rahimahullah ta'ala, n'am qala fa'un al-siyam 'ala at-taqwa Allah subhanahu wa ta'ala amr al-mashhur. Fama ista'ana 'abdun 'ala at-taqwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hifdhi hududihi wa ijtinabi ma'asihi bimithli al-siyam. Il a dit à l'imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, le siyam, le fait qu'il t'aide à devenir un pieux et atteindre le stade de la piété, c'est une chose qui est mashhour, c'est une chose qui est connue, c'est une chose qui est connue auprès de tous. Qala fa mastaana 'abdun 'ala taqwa Allah 'azza wa jalla. Le 'abd, il sait pas, n'am, il trouve pas d'entraide autre qui est aussi semblable, ou plutôt il ne trouve pas une entraide qui est aussi forte qu'il la trouve dans as-siyam. Fa mastaana 'abdun 'ala taqwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hifdh hududi. Et كذلك اجتناب معاصي par mithl as-siyam. Donc ceci nous prouve à travers, on a à travers la parole de ce grand imam qui est Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, et kadhalika, c'est comme un charh de cette ayah là que le siyam, c'est le meilleur des sabab pour que tu atteins, que l'abd il atteint taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceci est un mérite qui est suffisant pour nous montrer l'ampleur et le mérite de jeûner, car ceci aboutit à ce que tu viens, que tu deviens parmi les pieux, que tu deviens parmi les pieux. Et cela, ça se ressent de ça. Et lorsqu'il fait siyam, tu le vois, il parle peu, tu le vois, il se dévoue dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière que il n'est pas constaté dans d'autres jours dans lesquels il ne fait pas siyam. Wa hatta fi ayyi shahr min al ashhur, on voit les musulmans se regrouper, faire des ibadat qu'ils ne font jamais en dehors du mois de Ramadan. Ils font qiyam al-layl. Pour certains, ils font na'am at-tahajjud, ils prient dans les derniers tiers de la nuit. Pour certains, ils prient même la moitié de la nuit. Pour certains même, ils prient la nuit entière. Dans quel mois autre que le mois de Ramadan tu vois le musulman se dévouer à Allah subhanahu wa ta'ala que pendant le mois de Ramadan? Na'am. Cela nous prouve que as-siyam kama qala Ibn Qayyim, c'est une aide afin que tu atteins la piété, afin que tu œuvres comme œuvrent les pieux. Na'am bil qiyam wa kadhalika bis sadaqa wa bi kadhalika bi kathrati qira'ati al-Qur'an, en lisant beaucoup le Coran, en étant bon avec les masakin ila akhirih. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yani kama ja'a fi hadith Ibn Abbas faqala kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. Il dit Ibn Abbas dans ce hadith qui est authentique rapporté par l'imam Bukhari que le Nabi sallam c'était le meilleur des hommes et le plus bon des hommes, et il était beaucoup plus bon lorsque venait Ramadan. Lorsqu'il était en état de jeûne, il était beaucoup plus bon. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceci nous montre que as-siyam il a une influence. Il a un ta'athur ala as-sa'im, il le rend meilleur, il le rend plus bon, il le rend beaucoup plus pieux, beaucoup plus dévoué à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Donc ceci nous prouve, na'am, l'un des grands mérites qu'il y a dans le fait de jeûner, c'est que tu deviens parmi les pieux. Wa kafa bidhalika fadlan. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, na'am, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. S'il y aurait dans le siyam le mérite, ne serait-ce que ce mérite-là qui est que Allah subhanahu wa ta'ala il accepte que des pieux, ça aurait été suffisant pour jeûner. Car na'ani mahrouf, si jamais Allah subhanahu wa ta'ala il accepte pour toi toutes les choses, alhamdulillah, hatta yani qila an ba'd as-salaf, na'am, lorsqu'on lui disait tu es pieux, il a dit je ne pense pas, car si jamais ça aurait été le cas, Allah subhanahu wa ta'ala il m'aurait exaucé de toutes les choses que je fais. Et vous voyez dans cela que c'était une grande tasqiya de dire à une personne qui était pieux, car c'est à dire que Allah subhanahu wa ta'ala naham, il accepte de toi tout ce que tu fais. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Donc c'est une faveur, un grand honneur qu'on a dans le fait de jeûner, car il aboutit à ce que on fasse partie des muttaqin, min alladhina yataqabbal minhum a'malahum kullaha, parmi les gens dont Allah subhanahu wa ta'ala il accepte leurs œuvres. Donc il y a le fait de jeûner, c'est pas le simple fait de ressentir n'am la faim et l'akhirihi tam, lakin c'est afin que Allah subhanahu wa ta'ala il veut te tendre une perche, yani si on peut dire cela, afin que tu atteignes ou plutôt que tu saisisses à travers cela tamam une anse afin de devenir parmi les pieux, parmi les meilleurs ibad min ibadillahi subhanahu wa ta'ala. وكذلك ايها الاخوه ايها السامعون, parmi les bienfaits de siyam pour celui qui jeûne l'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il s'est dit comme gardien et protecteur du siyam de ceux qui ont jeûné. كما قال في الحديث الصيام لي وانا اجزي به. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit le siyam est mien et c'est moi qui le rétribue. Les ulama ils ont dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a prononcé ce propos là sur siyam as-siyam li, parce qu'ils ont dit que as-siyam, Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, il promet au sa'im qu'il va retrouver la totale rétribution de son siyam. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas diminuer le degré de la récompense du sa'im, au contraire des autres ibadat. Car il n'y a personne à l'abri de venir yawm al-qiyam avec un dhulm, d'avoir fait de l'injustice à un autre. Personne n'est à l'abri de cela. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kama fi hadith Jabir alladhi rawahu l'imam Muslim adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamah. Le dhulm, l'injustice, c'est une obscurité yawm al-qiyamah. Kama fi hadith al-muflis, celui qui viendra yawm al-qiyamah avec al-ibadat kal-jibal, na'am, yajibi as-salah wa yajibi az-zakat wa yajibi al-amal as-salihah, walakin ya'ti wa qad daraba hadha wa safaka dam hadha wa na'am akhadha mal hadha wa sabba hadha ila akhirih. Tam, il aura fait du mal, volé celui-ci, frappé celui-là, il a pris l'argent à l'autre et il a rihi. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa yu'khadh hadha min hasanatihi fa yu'tali hadha. On va prendre la hasanat de celui qui avait fait na'am le bien, qui est venu avec des ibadat qui sont azimah, mais lakin il est venu avec l'injustice, il n'a pas fait tawbah de cette injustice. Allah subhanahu wa ta'ala il va prendre des hasanat de cette personne-là. Il ne va pas garder tamam, la totalité de la récompense qu'il aura mérité dans l'œuvre qu'il aura faite. Parce qu'il a fait une injustice. Il va être au prix de ses hasanat, on va lui donner à l'autre. Et si jamais il n'y a plus de hasanat, comme dans le hadith, on va prendre des mauvaises actions de celui à qui naham à l'opprimé et on va remettre cela sur l'opprimé. Afwan, inshallah, je vais fermer juste la fenêtre car il y a beaucoup de bruit dehors. Attendez deux secondes, inshallah. Trop, afwan pour la petite coupure. Donc on disait que naham, wadih, inshallah, alhamdulillah. On disait que as-siyam, ou plutôt les personnes qui viendront yawm al-qiyamah, ils sont pas à l'abri que Allah subhanahu wa ta'ala il va prendre la hasanat. Amma as-sa'im, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la promesse qu'il va retrouver la totale rétribution du siyam, même si jamais il est venu avec une injustice. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla il a dit as-siyamu li wa ana ajzi bih. Je suis le protecteur de ton siyam, il est à moi, il m'appartient. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla il va le garder, il va le préserver. Sa récompense, tu vas la retrouver totalement yawm al-qiyamah. Sa récompense, tu vas la retrouver totalement yawm al-qiyamah, au contraire d'autres œuvres, comme l'a évoqué al-Sheikh al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala faqala siyam laysa biqabilin lilqisas. Le siyam, on ne peut pas lui faire la loi du talion. C'est-à-dire que si jamais tu as fait une injustice et qu'on ne trouve que de chez toi des hasanat, on ne trouve que siyam, et bien Allah Azza wa Jal, il ne va pas prendre de siyam pour donner à cette personne-là. Non, il va laisser siyam et il va prendre des mauvaises actions de cette personne-là et il va te les donner à toi. Lakin as-siyam, il ne va pas le toucher. Et ça montre qu'il y a une min fadl siyam. C'est que tu vas retrouver, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire si jamais tu meurs sur tawhid et que tu ne meurs pas sur le shirk, tu vas retrouver la rétribution du siyam totalement, même si jamais tu as fait l'injustice. Si jamais tu as fait les injustices, parmi les injustices que tu as fait parmi les injustices. Ça nous prouve fadl siyam. Le mérite du siyam, c'est qu'il n'est pas qabil de la loi du talion, l'al-qisas. Tu vas retrouver, inshallah, tabaraka wa ta'ala, la parfaite rétribution du siyam, yawm al-qiyama, li'anna Allah azza wa jal yaqul, as-siyamu li wa ana ajzibi. وكذلك من فضائل الصيام c'est que celui الصائم lorsqu'il accomplit le jeûne لله سبحانه وتعالى il a dans son cœur un plus grand espoir de rencontrer Allah سبحانه وتعالى لأن الصيام كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هو من أخلص العبادات. Le siyam fait partie des ibadat qui sont parmi les ibadat les plus sincères, les plus vouées à Allah subhanahu wa ta'ala. Car il délaisse les délices de la vie d'ici-bas et sans même que ses proches, ils se rendent compte que ces personnes-là sont en train de faire siyam. Et ça c'est ma'ruf et c'est constaté chez beaucoup de sa'im. Tu le vois faire le siyam, lakin tu ne sais même pas qu'il est sa'im. Falidhalika, qala, ya'ni al-ulama, celui qui fait le siyam, il a l'espérance dans le cœur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala bi a'mal khalisah, avec des œuvres qui sont sincères, avec des œuvres qui sont yani sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est ma'ruf, celui qui veut, qui espère, comme a dit subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada. Allah azza wa jalla nous montre à travers cette ayah là que ceux qui souhaitent vraiment, véritablement rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il leur est demandé d'œuvrer et faire preuve de sincérité dans leur dans l'adoration, c'est-à-dire adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer d'associer. Wa kadhalika allazi yasum, yani lorsqu'il fait le jeûne, tu le vois, même la personne qui est à côté de lui, peut-être il ne sait pas qui jeûne. Parce qu'il y a dans siyam, il y a un sir, dans siyam, il y a yani al-khafa, il y a la discrétion qui fait que as-sa'im, lorsqu'il jeûne, yani qalla man yasum wa yasum li ghayri Allah subhanahu wa ta'ala. Peu sont les personnes qui, lorsqu'ils jeûnent, ils jeûnent pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que les autres ibadah, elles sont beaucoup plus découvertes à l'ostentation. Amma siyam, il est moins découvert à l'ostentation. Car c'est c'est une ibadah de discrétion. Une ibadah dans laquelle on retrouve une discrétion qu'on ne retrouve pas dans les autres ibadah. Qui fait que as-sa'im, il a la pleine espérance de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec une œuvre dans laquelle il n'a pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك من فضائل الصيام parmi les mérites du siyam qui fait que as-sa'im yasbir نعم على الصيام et يتمتع في الصيام, c'est que as-siyam c'est un rempart pour toi contre la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu jeûnes, sache que tu es en train de prendre un sabab qui te permettra d'être moins désobéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, as-siyamu junnat, الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. الحديث الصحيح المتفق عليه المحروف. Dans lequel النبي صلى الله عليه وسلم nous fait part que الصيام c'est tel un bouclier avec lequel tu combats l'adversité de شيطان. Et شيطان معروف, il s'est juré d'égarer la descendance de Ben Adam. فقال وربك لأغوينهم أجمعين. Il s'est juré d'égarer la plupart Naam ibn Adam, l'année la descendance d'Ibn Adam. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Le shaytan est pour vous un ennemi, donc prenez-le comme ennemi, comme adou. C'est-à-dire qu'on doit prendre les armes afin de combattre l'adversité de shaytan. C'est pas avec les armes, c'est pas avec les kalachnikov, c'est pas avec les couteaux, c'est pas cela, non. Là, le combattre shaytan, c'est le combattre avec les armes ma'anawiyya. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dedans il a mis une chose pour pouvoir repousser shaytan, parce que shaytan ma'ruf, il est là pour te dévier, pour te mettre dans la désobéissance, pour te faire rentrer des shubuhat, pour te faire rentrer dans shahawat. Lakin as-sa'im, il a avec lui une arme pour pouvoir repousser l'adversité du shaytan, qui est quoi? Al-jun, yani qui est siyam. Na'am, faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, as-siyam junna, c'est un bouclier, ka junnati ahadikum min al-qital, c'est comme un bouclier avec lequel il combat. Na'am, dans le combat, c'est-à-dire contre les shayatin min al-jin wa kadhalika min al-ins wa ma'ruf. كذلك الشيطان كما ثبت ذلك من حديث أنس متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم. Le shaytan il circule dans les veines de ابن آدم pour mieux le chambouler, pour mieux le waswaser, si on peut dire cela, pour mieux le mettre de waswas, pour le mieux le faire dévier de sa religion. لكن الصائم معروف كما قال العلماء lorsqu'il jeûne il ضيق على الشيطان المجرى المجاري. نعم, il restreint à Shaitan le fait de pouvoir circuler dans son corps pour le chambouler, pour le faire dévier. An sabilillahi subhanahu wa ta'ala wa tariqi. Et ma'ruf hadha kama qala al-ulama. Tam sa sabab parmi les asbab qui restreint Shaitan de pouvoir circuler dans Ibn Adam, de pouvoir le chambouler. Donc as-siyam c'est une junnah kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika as-siyam kama on peut voir à travers d'autres les hadiths qu'on a pu citer, n'am c'est un rempart contre la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, car yani l'être يعني qui nous pousse dans la désobéissance qui est shaytan, et kadhalika an-nafs al-ammarah bis-su, tu as avec toi un bouclier et une arme pour pouvoir repousser cette adversité qui est quoi, de fait de restreindre à shaytan de pouvoir circuler dans ton corps pour ne pas te souffler des mauvaises choses et te pousser à la désobéissance. Et kadhalika tu as avec toi une junnah, t'as avec toi une junnah, une chose qui va te protéger, qui va te protéger de shaytan, et kadhalika qui va te protéger de l'enfer et d'approcher des choses de l'enfer. Naam, kadjunnati ahadikum min al-qital. وكذلك parmi les mérites du siyam, parmi les bienfaits du siyam, annahu yad'u ila shukri ni'amillahi subhanahu wa ta'ala alayk. Al-siyam il t'appelle à ce que tu sois plus reconnaissant envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Ka as-sa'im, ou plutôt yani c'est ma'ruf كما قال الناس كما تقول العرب يعني النعمة لا يعرف قدرها إلا بعد فقدانها. Tu ne connais le degré d'une ni'ma, le haut rang d'une ni'ma qu'après que tu l'as perdu. Fait as-sa'im, lorsqu'il jeûne, il délaisse al-ta'am, il délaisse al-sharab, il délaisse al-shahwa. Ensuite, lorsqu'il la retrouve, il lui donne un intérêt, il lui donne kazalika un degré qui est beaucoup plus grand que la personne qui n'a jamais délaissé le fait de le fait de boire, le fait de manger, le fait de délaisser les rapports. Naam, as-sa'im connaît mieux naam cette ni'ma qui est le fait de boire, cette ni'ma le fait de manger, cette ni'ma le fait d'avoir des rapports que la personne qui n'a pas naam jeûné, qui n'a pas délaissé ces choses-là. Fas-sa'im, naam, lorsque à travers as-siyam barakallahu fikum, il ressent naam, ou plutôt il va donner à ces choses-là que sharab ou que kadhalika at-ta'am et autres, il va lui donner la vraie valeur, parce qu'il sait qu'est-ce qu'une goutte d'eau, il sait qu'est-ce que c'est une miette de pain, il sait qu'est-ce que c'est le bonheur d'avoir une femme et pouvoir exercer les rapports avec elle. Naam, il va lui donner la vraie valeur à cette chose-là, car lorsqu'une personne a délaissé cette chose-là, il va lui donner la vraie valeur. وَلَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِصَائِمِ فَرْحَةً. Lorsque la personne naam فَرْحَةٌ عِنْدَ فِتْرِهِ وَفَتْرَةٌ عِنْدَ لِقَيَ رَبِّهِ. Celui qui jeûne, il va avoir de joie. La première des joies, lorsqu'il va rompre le jeûne, parce que là, il va pouvoir retrouver ces ni'ma-là, ces ni'am auxquelles il était privé au long de la journée. Il va les retrouver et naham, ça c'est ma'rouf, et il va lui donner une valeur qui est beaucoup plus grande. Celui qui boit, naham, celui qui boit après avoir jeûné, surtout dans les pays dans lesquels il fait très chaud, comme c'est le cas du Djibouti, naham, lorsqu'il boit, il sait ce qu'est la valeur d'une goutte d'eau. Il fait attention lorsque il gaspille un petit peu, il sait maintenant c'est quoi la goutte d'eau. Il sait c'est quoi la goutte d'eau. Et ça, c'est un bienfait qu'on retrouve à travers Siyam, car Siyam il rend la personne beaucoup plus reconnaissante des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala et lui a donné. Kadhalika, ça le rend moins gaspilleur. Parce qu'il sait qu'il y a, comme on a pu voir, le degré de cette ni'ma-là. Donc il va moins gaspiller. Et c'est ma'rouf. Au cours de l'année, ça nous arrive de gaspiller. Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lana. On gaspille des fois. Là, lorsqu'on jeûne, on fait beaucoup plus attention à la miette de pain, à la miette de pain, même si jamais elle est tombée. À la goutte d'eau que tu vas déverser. Tu vas lui donner le vrai mérite à ces choses-là. Et tu vas moins gaspiller. Mais le fait que tu gaspilles moins, tu vas te rapprocher des ibad al-Rahman. Les ibad wa ikhwan al-shayatin. C'est ceux qui gaspillent, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Inna al-mubadhirina kanu ikhwan al-shayatin. Inna al-mubadhirina, ceux qui gaspillent, ce sont les frères des shayatin. Donc il ne faut pas gaspiller, il faut se identifier à ibad al-Rahman et pas s'identifier à ikhwan al-shayatin. Donc moins gaspiller. Et ces choses-là, tu la retrouves à travers le siyam, car tu donnes le degré à la ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala et t'a donné comme il se doit. Wa kadhalika qala Allah azza wa jal, wa la tusrifu. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Donc si jamais il n'aime pas ceux qui gaspillent, et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui conservent les ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Et cela tu le retrouves à travers As-Siyam. وَكَذَلِكَ مِنْ نِعَمْ As-Siyam وَمِنْ فَضَائِلِ As-Siyam أَنَّهُ يَدُعُ إِلَى مُؤَاسَاتِ الْمَسَاكِنِ. Il appelle à ce que tu sois bon et plus proche avec les masakin. Car lorsque tu fais As-Siyam, tu ressens ce que le faqir ressent. Tu ressens la soif, tu ressens la faim que Al-Faqir il ressent au quotidien. Donc lorsque tu vas rompre le jeûne, naam, tu vas te dire subhanallah, il y a des gens qui comme moi, ils ressentent peut-être ce mal, il n'y a pas ce mal-là, la kin, la faim et la soif que je suis en train de ressentir dans un jour de siyam. Ces personnes-là peut-être au long de l'année, naam, ils ressentent la faim, ils ressentent la soif. Et moi je passe à côté d'eux, ils me demandent de l'argent des fois, ils me demandent ne serait-ce que des fois de lui donner de l'eau et moi je ne donne pas. Là la personne elle va donner naam, la vraie ampleur et la vraie place qu'a le miskin dans la communauté musulmane, qu'il fasse beaucoup plus attention au masakin, parce que là il va ressentir ce que ressent le masakin, il va avoir la même faim que eux. Donc comme a dit le cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, ça va le permettre d'être beaucoup plus proche des masakin et de leur donner leurs droits, parce qu'il va ressentir ce que ressentent le masakin au quotidien. Et ça c'est parmi les plus grands bienfaits qu'il y a à travers le siyam. Ayyu al-muftir, celui qui délaisse siyam parce qu'il pense que c'est juste un challenge et que c'est le fait de résister à ne pas avoir faim. Là siyam, il y a beaucoup de hikam, et parmi ces grandes hikma, c'est le fait que tu te rapproches, que tu ressentes la faim que ressentent les masakin et la soif que ressentent les masakin, afin que tu sois plus proche des masakin et que tu donnes le droit aux masakin comme il se doit. Chose que peut-être que la personne qui fait pas le siyam ne va pas ressentir, et ce sera l'homme qui sera le plus loin des masakin, parce qu'il ne va pas ressentir ce que ressentent les masakin. Fa'alayna bi-siyam, que ce soit siyam Ramadan ou bien siyam at-tatawwu', yani en dehors le siyam qui est tatawwu', qui est surérogatoire en dehors de Ramadan, afin que ressentent ces choses-là, que ressentent al-fuqara, et qu'on soit plus proche d'eux et qu'on leur donne le droit qu'on doit leur donner. Et donc kazalika min ni'mat as-siyam 'alayna, yani à travers ce qu'on a pu expliquer, c'est que kazalika tu vas mieux donner cette chose-là qui est quoi, az-zakat. C'est pas le simple fait que tu dis bon zakat c'est l'argent qu'il faut donner aux pauvres, non, tu vas donner l'argent que tu sais qu'il est nécessaire, qu'il a besoin. Parce que tu sais, tu as ressenti la faim et la soif qu'il a ressenti, donc là tu vas lui donner l'argent qu'il a besoin afin qu'il se sente mieux au quotidien. Donc tu vas lui donner à Zaka d'une meilleure manière. Et tu vas lui donner la Zaka au moment, au temps et au moment voulu. Parce que tu vas savoir que cette personne-là, elle est dans le besoin. Donc tu ne vas pas retarder le droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété sur toi de t'acquitter sur ces masakin, parce que tu sais ce qu'ils ressentent. Donc tu vas t'empresser de verser ce droit-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a obligé sur les masakin. Et ça c'est parmi les plus grandes ni'mah qu'ils ont évoqué les ulama qu'on retrouve à travers As-Siyam. Kadhalika, parmi les grands mérites de As-Siyam, annahu yad'u ila mahasin al-akhlaq. Il appelle au bon comportement, à être bon, avec la personne qui est même mauvais, envers toi. À ne pas forcément répondre au mal par le mal. Lakin, à répondre au mal par le bien. C'est une chose qui est dure. Lakin, à travers Asiyam, tu retrouves un tamrin, un tadarrub. Tu t'entraînes afin d'être cette personne-là qui va répondre au mal par le bien. Et c'est une chose qui est maqala. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dont peu yani yuwaffaq li dhalika. Généralement, la personne, lorsqu'on lui répond par un mal, eh bien, il va répondre كذلك par un mal, et ça c'est un droit. كما قال الله سبحانه وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. Si jamais vous sanctionnez, sanctionnez de la même manière comme vous a sanctionné. وكذلك قال الله عز وجل نعم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. Si jamais quelqu'un vous a fait du mal, il a transgressé sur vous, transgressez sur lui de la même manière qu'il a transgressé. Ça c'est ton droit. Tu as le droit. Lakin, à travers le siyam, il t'appelle à un palier qui est beaucoup plus haut que cela. Ça ferme les yeux sur ces ignorants et sur leur ignorance. Et n'arrive pas à faire attention à ce qu'ils disent. Ça fait les alika. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Saïm, lorsqu'on insulte, de dire « Inni Saïm ». Faqal le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Iza ahadun, fal yaqul inni Saïm ». C'est une personne, un insulte, qu'il dise « Anna Saïm ». Qui se rappelle déjà à lui-même, qui se fasse un rappel déjà à lui-même, « Anna Saïm », afin qu'il se refroidisse et que ses membres ne fassent pas une action qu'il va regretter. Il dit « Inni Saïm ». As-Saïm, il a des principes. Je ne peux pas me permettre de répondre à ton ignorance. Moi, je suis au-delà de cela. Je suis en train de jeûner, je suis en train de faire une ibadah qui est azim, qui m'interdit de répondre à ton ignorance, qui m'interdit de répondre à tes gamineries. Inni sa'im. Et kadaïka, c'est un rappel à la personne qui est en face de lui, afin qu'il sache que la personne, il a dit inni sa'im. C'est pas parce qu'il a peur de toi, ou bien c'est pas parce qu'il veut se rabaisser. C'est pas par rabaissement qu'il dit cela. Donc, que lui, il ne bat pas de laine. Qu'il dit, oh non, je l'ai mis à l'amende. Et allez, je l'ai insulté, il a dit, inni sa'im. Il a pu répondre que par dire, inni sa'im. Là, il a dit cela, c'est pas par peur, lakin bit tawadu', afin yani par modestie. Tawadu'an lillah subhanahu wa ta'ala. Wa man tawadda'a lillah subhanahu wa ta'ala, rafa'ahu Allah. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man tawadda'a lillah jalla wa ala, rafa'ahu Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait preuve de modestie, celui qui se rabaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, il va l'élever. Donc, yani, as-sa'im, lorsqu'il insulte, il faut qu'il fasse, lorsqu'il dit, inna sa'im, se rappelle de cela. Qu'il est en train de se rabaisser lillah azza wa jalla, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il élève en degré et qu'il rabaisse cette personne-là qui a fait preuve d'ignorance et de gaminerie. Terme d'ignorance et de gaminerie. Wa kadhalika, on retrouve, yani, dans cette chose-là qui est le fait de répondre, billati yahsan, parce que, en dehors du siyam, comme on a pu évoquer, si jamais une personne t'insulte, tu as le droit de l'insulter. Ça, c'est une chose que, un principe que les gens peut-être ignorent. T'as un hukm, une ahkam al-islam que les gens peut-être ils ignorent. Si jamais une personne t'insulte, en dehors du siyam, t'as le droit tout à fait d'insulter. S'il insulte tes parents, tu as le droit d'insulter kadhalika ses parents. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala kama yani thabata dhalika fa qala al-mustabban ma qala fa ala al-badi minhuma ma qala. Si lorsque deux personnes s'insultent, c'est celui qui aura commencé à insulter, il aura le péché par rapport au fait qu'il aura insulté, et il aura kadhalika le péché qu'il y a dans le fait que la personne l'a insulté. Ama toi, tu n'auras pas de péché. La personne qui aura commencé, il aura deux péchés. Le premier péché, c'est qu'il t'a insulté, et il aura le péché que tu lui as répondu par cet injure-là. Mais toi, tu n'auras rien du tout. Parce que tu n'as fait que al-adl, te défendre. فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Celui qui transgresse sur vous, transgresser sur lui de la même manière qu'il a transgressé sur vous. Tamam. Lakin, ça c'est l'adl, c'est-à-dire que c'est la chose qu'il ne faut pas dépasser. Si jamais il insulte ses parents, tu ne vas pas insulter la descendance, parce que ça c'est de zulm. Et là tu auras un grand péché, c'est-à-dire que le fait que tu as transgressé, tu n'as pas répondu par la même manière. Lakin, tu as zad ala zalika, zitta ala zalika, tu as ajouté. Tamam. Celui qui se contente de cela, il a le droit. Lakin, celui qui gêne, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour lui un stade qui est beaucoup plus grand. Il veut lui faire atteindre le rang d'ibad al-Rahman. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibad al-Rahman al-nadhina yamshuna ala al-ardi hawna. Wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Ibad al-Rahman, Allah azza wa jalla nous dit, comme a dit plutôt avant cela, l'imam Sa'di alayhi rahmatullah, il nous dit, ibad al-Rahman, ceux qui sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi leurs sifas, c'est qu'ils marchent sur la terre de manière, avec modestie, ils ne la racontent pas, tamam, ils ne roulent pas des mécaniques. وَكَذَلِكَ مِنْ سِفَاتِهِمْ أَنَّ الْجَاهِلُونَ إِذَا خَاتَبَهُمْ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque la personne il fait preuve de gaminerie, d'ignorance, il insulte, il a khirihi, il dit salam. Il ne répond pas. Il est au-dessus de cela. Je suis, il dit cette chose-là, elle est trop basse pour que je me rabaisse à ce niveau-là. Allah subhanahu wa ta'ala, je veux faire partie des ibad ar-Rahman, ceux qui sont les élus et les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne me rabaisse pas à cette ignorance-là, je ne me rabaisse pas à ces gamineries-là. Je veux une chose qui est beaucoup plus grande pour moi, c'est de faire partie des ibad ar-Rahman, ceux qui, lorsqu'on les insulte ou on fait preuve de gaminerie envers eux, eh ben, ils ne font pas attention et ils passent l'éponge. فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ قَالَ إِنِّي صَائِمٌ. Il ne répond pas. Il ne répond pas par l'insulte et il dit inna sa'im. Il se fait un rappel à lui-même et se fait un rappel, il fait un naram akadalika à la personne qui est en face de lui. Et ça, c'est min bab mudafa'ati allati hi ahsan. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wa hatha ala dhalika fa qala idfa' billati hi ahsan. Lorsqu'on te fait un mal, ne réponds pas par isa'a bil isa'a. Tu as le droit à laquelle le mieux pour toi c'est que tu répondes bil isa'a, mais yani bil khair. نعم ادفع بالتي هي احسن repousse le mal par le bien. فاذا التي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. Lorsqu'une personne t'insulte, c'est un sabab pour que une animosité s'installe entre vous. Lakin, si jamais tu fais preuve de patience et tu fais preuve de grandeur et tu passes l'éponge sur cela et tu réponds بالتي هي احسن, celui qui t'insulte il dit تعال, c'est rien, je t'invite à boire un verre. Il va être étonné, même la personne qui va devenir, qui va être envers toi, et même lui, l'adversité et l'animosité qu'il y avait envers lui, parce qu'il t'a insulté, il y a un sebeb. La méchanceté qu'il y avait en lui, il va la perdre. Parce qu'il va être, il va s'attendre à ce que tu lui répondes, Bilatiya, yani à soi. Par la chose qui est beaucoup plus mal, par le fait de le frapper ou de l'insulter, et la khirihi. Lakin, tu réponds par la bilati yahsan. Ça va enlever l'adversité et mettre place à quoi? Yani, comme Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Il va devenir comme cette personne-là, comme si jamais c'était un ami intime. Ça va enlever l'adversité qu'on trouve dans la kulub. Le fait de faire preuve de patience et de répondre au bien, au mal par le bien. وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا يَلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا يَلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Donc là, Allah Azza wa Jalla ne fait pas, et kadhalika, c'est le cas pour celui qui est saïm lorsqu'on insulte, t'as un autre qui ne répond pas, t'as un mot insulte, il dit in saïm. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas que ceux qui répondent au mal par le bien, et bien ça c'est l'infime partie des personnes parmi ibad Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu réponds au bien, au mal par le bien, même si jamais c'est très dur, même si jamais ton cœur il va brûler un petit peu, même cette hurqat que tu vas trouver dans ce cœur là elle va vite partir, parce que tu vas dire là je fais partie de l'infime partie parmi les élus des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui repoussent le mal par le bien. Car Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa la yulaqaha illa alladhina sabaru. Seules c'est les personnes qui répondent au bien, au mal par le bien, ce sont les personnes qui font preuve de patience. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Et c'est, il a fait une deskia kadalika pour ces personnes qui répondent au mal par le bien, que c'est vraiment des personnes yani, qui ont une faveur et un rang et un honneur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَصَّائِمْ. Lorsqu'il répond au bien par le mal en disant إِنِّي صَائِمٌ, au mal par le bien plutôt, lorsqu'il dit inna sa'im, lorsqu'on insulte, il faut qu'il sache que là Allah subhanahu wa ta'ala il ne veut pas pour lui le rabaisser face à cette personne là au contraire, il veut pour lui l'élever en degré. Un, parce qu'il fait preuve de tawadu' lillahi subhanahu wa ta'ala, et deux, parce qu'il fait preuve de patience, récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne donne qu'à une infime partie de ses élus et aux personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime et il estime. Et les bienfaits du siyam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a placé dans le siyam, ils sont nombreux, et qu'Allah les a promis cela, c'est que celui qui jeûne fi sabilillah yawman fi sabilillah comme fi hadith Abi Sa'id muttafaq alayh an-nabi sallallahu an-nabi Allah subhanahu wa ta'ala قال man sama yawman fi sabilillah naham man sama yawman fi sabilillah ba'da Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il va lui écarter son visage de l'enfer de 70 zotan, et il dit c'est 70 années. Donc celui qui délaisse le jeûne voit comme il est privé. Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque jour que tu jeûnes, il t'écarte ton visage de 70 années. C'est-à-dire celui qui jeûne, c'est 2100 années. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, si jamais ça tombe sur 30 jours, 2100 années. Et celui qui rajoute Sittan min Shawwal, et celui qui rajoute le Yom al-Ithnain wa Yom al-Khamis, et celui qui jeûne Yom al-Bid, et kadhalik celui qui a beaucoup plus de force qui jeûne un jour, ensuite il délaisse deux jours, ensuite il jeûne un jour, ou bien celui qui fait Siyam Daoud, de combien d'années penses-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va lui écarter son visage de l'enfer? Kadhalik qala le Nabi sallam que le Siyam c'est une junna, c'est une protection. Kadhalik contre ash-shayatin, kadhalik contre l'enfer, parce que celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala il lui écarte son visage de l'enfer de 70 années, au contraire de celui qui ne jeûne pas. Il y a un hadith qui est venu qui est long, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallam il nous fait part que il va yawm al-qiyamah, ces personnes-là ils vont baigner dans une marée de sang. Yani, leurs bouches, elles seront, comment ça s'appelle, le sourire du joker, comme ils disent, elles seront ouvertes, ils seront pendus par les chevilles, et on dira, ça c'est le rétribut de celui qui a mangé une journée pendant, comment ça s'appelle, Ramadan. Donc, vois la différence qu'il y a entre le fait de jeûner et de voir s'écarter son visage d'une année, de 70 années, pour celui qui jeûne, yawman fi sabilillah, et de celui qui délaisse, un siyam fi sabilillah, subhanahu wa ta'ala, yani, il est amené à rentrer dans l'enfer. Et يكفي في ذلك ذما وقال الله سبحانه وتعالى ربنا انك من تدخل النار فقد احزيت. Le simple fait qu'on aurait juste trempé, on l'aurait pas ouvert la bouche comme un joker, il y a une histoire de joker comme ils disent, et on aurait pendu par les chevilles, ça aurait été suffisant, parce que le fait de rentrer dans l'enfer, c'est une humiliation, même si jamais le musulman en ressort, lakin c'est une humiliation. Lakin كيف بي الذي يدخل, et il rentre dedans d'une manière qui est quoi, qui est honteuse. Et كذلك من مناقب الصيام انه يشفع يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه. Le siyam et كذلك القرآن, ils vont intercéder pour son صاحب, pour celui qui avait l'habitude de jeûner, pour celui qui كذلك نعم disait beaucoup le Coran يوم القيامة الأنبياء يأتون ويقول ربي نفسي نفسي. Chacun dira, yani chacun pour soi, chacun pour soi. Yani dans ce moment-là, dans ces moments de solitude, tu vas être content d'entendre Asiyam qui va dire Rabbi ishfa' li fi. Yani il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il intercède pour toi. Naam, ce sera ton ami intime, celui qui ne va pas te délaisser, qui ne dira pas nafsi nafsi, lakin, qui va venir intercéder pour toi au jour où personne ne te regardera, au jour où la même mère, elle ne va même pas faire attention à son fils, tam, ou sa fille, son enfant qu'elle a remis au monde, l'être qui est le plus cher, la chair de sa chair, elle ne va même pas faire attention à son enfant. Donc que dire, yani, de toi, ils ne feront pas attention à toi, même si jamais c'est les proches, les personnes qui sont les plus proches de toi, naam, excepté les choses dans lesquelles Allah Azza wa Jalla aura mis norme la faveur de pouvoir intercéder sur toi. Et sur ça, Inch'Allah, on va se laisser, car le futur, Inch'Allah, il approche pour nous. On va se laisser sur ça. وَالصِّيَامْ لَهُ فَضَائِلْ كَثِيرًا. Et ça, c'est بعض منها, c'est juste une infime partie. وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَنْفَعَنَا بِمَا سَمِعْنَا وَأَنْ يَرْزُقَنَا عِلْمًا يَنْفَعُنَا وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وجزاكم الله خيرا وإياكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم بما سمعنا وينجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك الله بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.